Salut Blockbuster. Alors depuis que je suis tout petit, l'arrivée de l'été est rythmée par d'abord le Festival de Cannes, ensuite Roland Garros, le bac et ensuite le Tour de France. Et depuis quelques années maintenant, je rajoute une étape, c'est Blockbuster. Ça y est, c'est l'été, on ouvre grand les oreilles, on se prend un mojito et on écoute ça au frais. Merci Frédéric Reiss. Oui, merci pour cette émission sur H2G2 que j'ai écoutée avec attention et une grosse pensée pour mon ami Damien à qui j'arrêtais pas de dire H2O, H2D2, H2RG2. Voilà, merci beaucoup et bonne continuation. Comment ça Frédéric? J'écoute ton émission, là j'étais en vélo, j'écoute tous les jours depuis que tu es repassé en direct et que c'est vraiment bien. Mais par contre, je viens d'apprendre que tu n'as jamais lu Robin Hood ni l'Assassin Royal, le meilleur livre de tous les temps. C'est pas possible. Voilà. Eh ben, écoute, c'est Guillaume de Besançon. Ma fille s'appelle Molly parce que l'héroïne de Robin Hood s'appelle Molly. Et puis, bah, je trouve ça incroyablement incroyable que tu ne l'aies jamais lu. Bisous! To be or not to be, not to be. Il n'y a pas si longtemps, le fournisseur de séries dont on parlait à la machine à café, c'était pas Netflix, Amazon Prime ou Disney+, c'était M6 ou TF1. Enfin, je dis ça, mais en même temps, je doute que quelqu'un ait un jour dit à la machine à café « La saison 3 du Nounou d'Enfer, je m'en suis toujours pas remis ». Aucun youtubeur n'a jamais fait de vidéo. Les 13 détails de l'épisode 12 du Cosby Show qui vous ont échappé, le 8e va vous étonner. Simplement, c'était des séries qui nous accompagnaient quasiment toute la journée, et surtout toute la semaine. Entre midi et 2, tu pouvais manger devant la petite maison dans la prairie. L'après-midi, j'ai jamais su pourquoi, c'était le créneau des familles de blancs riches qui sont des crasses. Dynastie, côte ouest, Dallas. À 17h, c'était le salon de l'auto avec K2000, tonnerre mécanique, le van de l'agence touriste ou la Porsche de Magnum. Et le soir à 20h, c'était les gentils problèmes mignons et drôles des petites familles bourgeoises. Et on s'est tapé ça pendant des décennies sans vraiment analyser ce que l'on était en train de voir. Aujourd'hui, un gars qui se gratte le nez dans Stranger Things s'est analysé comme l'arrivée en gare du train de la Ciotat. Ça signifie pas que les séries avaient forcément moins de choses à dire, juste qu'en les regardant aussi souvent, on les voyait pas venir. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. En préparant cette émission, j'ai découvert que la série Madame est servie avait été diffusée sur Antenne 2 avant d'être diffusée sur M6, ce qui m'a surpris tant j'avais associé les deux à mes débuts de soirée quotidien. J'imagine que tout le monde, évidemment, se souvient des tribulations de Tony Micheli, le bon papa, homme de ménage, et de sa fille Samantha chez la working woman Angela Bauer, elle aussi seule avec son fils Jonathan, et sa mère à la répartie incisive, la fameuse Mona. Pour revenir sur cette série qui, mine de rien, incarnait une forme de progressisme, j'ai avec moi Nora Boisoni. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors vous êtes journaliste série et autrice et accessoirement vous spoilez Xena. Oh non, ça va me poursuivre ça, hein. C'est ma troisième fois ici. On peut spoiler Madame Servie ou pas? Oui je pense que la personne ne nous dira rien. Avec nous également, et je suis ravi, Redouane Tella, bonsoir. Salut. Bonjour. Salut Frédéric. Ça va? Bah super, alors pour le coup dans Madame et Servie il y a peu de choses à spoiler. Hein. Non, logiquement ça devrait aller. Je rappelle que vous êtes spécialiste du petit écran, notamment sur cette belle antenne qu'est France Inter. Oui. Avec nous, et on est ravis de l'accueillir pour une première fois, Anne-Sophie Debetsky, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes journaliste et réalisatrice de documentaires, et notamment spécialisée en séries télé, et en ce moment vous produisez un documentaire pour les 20 ans de Caméra Café. Exactement, qui sera à découvrir dans quelques mois. Allez, on se fait un petit road trip sur l'autoroute de la nostalgie. On revient à une époque où les séries ne nous attendaient pas pour démarrer. Bonjour. Vous désirez, monsieur? Si vous êtes Angela Bauer, c'est moi qui suis désiré. Je ne comprends pas bien. Je m'appelle Tony Mitchell et je viens pour la place. Ah, oh, je suis désolée, mais il y a une erreur, monsieur. Je cherche une bonne... On m'a surnommée la bonne serpillière. Oui, ma mère a reçu toutes les candidates, elle ne vous a rien dit? Ah si, elle m'a tapé sur la carrosserie, filé un bon coup dans les pneus et déclaré bon pour le service. Elle aurait dû regarder sous le capot, vous n'êtes pas du bon sexe. Oh, monsieur Vicelli, vous êtes là. Juste à l'heure, c'est bien ça. Voilà quelqu'un de digne de confiance, enfin. Alors, comment ça se présente entre vous deux? Et il prenait la direction de la porte. La porte? Oh. Angela, Dis-moi, quel est le problème? Le problème, maman, c'est que tu m'envoies un homme pour être bonne. Oh, ne sois pas sexiste. Un homme peut faire un travail improductif et insipide aussi bien qu'une femme, voyons. C'était un extrait du premier épisode de Madame est servie, et vous avez bien entendu Judith Light, Tony Danza qui joue le rôle de Tony Micheli, et également Catherine Hellman qui joue le rôle de Mona, mais en français, parce qu'il faut saluer le travail des comédiens de doublage français. Vous avez entendu Maurice Sarfati, Monique Thierry et Françoise Fleury. Redouane, t'es là. Est-ce que vous pouvez résumer aux plus jeunes auditeurs qui nous écoutent ce qu'est Madame est servie? Bah déjà, faites bien de citer les voix françaises, parce qu'on ne les cite jamais, malheureusement. Et pourtant, je pense que de nombreux auditeurs connaissent Madame est servie, mais n'ont jamais entendu la voix originale de Tony Danza. Vraiment pas. Alors que maintenant, on n'entend que des voix originales sur les plateformes, etc. Bah à l'époque, le petit écran ne nous laissait pas le choix, et on avait droit aux versions françaises, donc merci à eux. Alors, Madame est servie, c'est une série qui a pour personnage principal Tony Micheli. Donc Tony Micheli, c'est un ancien sportif, ancien champion de baseball, qui vivait à Brooklyn avec sa fille. Il est veuf, et puis pour sortir sa fille de la misère, il décide d'aller dans le Connecticut. Oui, parce qu'il s'est blessé à l'épaule, et du coup, il a été obligé de prendre une retraite anticipée. C'est ça, une retraite anticipée. Il est vraiment dans la galère dans le premier épisode, et il doit offrir une vie meilleure à sa fille qui a une dizaine d'années, et donc il se rend chez Angela Bauer, qui est une working girl caricaturale des années réganiennes, vraiment, une grande blonde qui réussit tout dans la vie, mais qui élève seule son fils, qui a besoin d'aide à la maison et qui cherche une bonne. Donc elle cherche une bonne au départ, une femme, et elle se retrouve avec Tony Micheli, qui est une caricature de masculinité telle qu'on l'imaginait aux États-Unis, donc l'ancien sportif, l'italien, le type de Brooklyn, le vrai mec, mais qui tient la maison. Et donc on va suivre ces personnages. Donc vous avez cité aussi Mona, qui est la mère qui est l'entremetteuse, parce que finalement l'idée de progrès arrive avec Mona, parce que c'est elle qui s'est dit non mais lui il est parfait pour faire ce travail. C'est le personnage le plus progressiste de la série, on va en reparler sans doute, mais voilà, donc c'est elle qui fait le lien entre les deux. Au départ, Angela Bauer est plutôt réticente, et puis au final Tony Micheli finit par s'imposer et petit à petit a changé cette famille et a changé les habitudes de cette famille. Nora Boisoni, comment avez-vous découvert Madame est servie? Eh bien, comme vous le disiez, Fred, en regardant beaucoup M6, tout le temps, puis France 2 aussi, Hartley Cœur à Vif, en rentrant de l'école, oui. Et tout. J'ai découvert cette série, bah, pareil, l'après-midi, et en fait, j'ai vachement été marquée par Mona, on en reparlait effectivement, comme dirait Douane, par cette flamboyance, mais aussi par Angela et par ce modèle qu'elle offrait aux petites filles, aux jeunes femmes et aux femmes, qui était quand même pas très courant à la télévision à cette époque-là, parce que la série est arrivée en France plus tard. Évidemment, comme d'habitude, hein, à cette époque-là, on n'était pas en US plus 24. Oui. Et dans les années 90, moi je suis en 86, donc j'étais quand même assez petite. Et j'ai découvert cette femme-là, mais en même temps que j'ai découvert les Buffy, les Xena, pour ne reciter qu'elles, toutes ces héroïnes badass, comme on peut dire, qui existaient à cette époque-là. Et j'ai trouvé ça assez cool. En plus, ayant une famille, moi, qui est plutôt binaire en termes de répartition des tâches à la maison, et voilà, une maman qui est nourrice. Donc je voyais un peu une subversion des genres qui m'intéressait. Anne-Sophie Dobetsky, vous avez découvert Madame est servie lors de la première diffusion sur Antenne 2 ou sur M6? Alors, effectivement, j'avais complètement occulté le fait que ça avait été sur Antenne 2. Pour moi, ça a été vraiment, évidemment, sur M6, à l'heure du dîner. Et moi, c'est une amie à moi qui avait la chance d'avoir la télévision dans sa chambre, qui m'avait parlé de Madame est servie et qui m'avait dit « c'est très sympa, faudrait que tu regardes et tout ça ». Moi, à l'époque, je regardais la télé avec parcimonie dans le salon familial. Et il se trouve que c'était une série très agréable à regarder, très bienveillante, très familiale. Et moi, j'ai pas du tout analysé au départ ce que je voyais. Je trouvais que le personnage de Samantha était très sympathique, elle était très mignonne, cette Alyssa Milano. Je pense que toutes les ados avaient envie de lui ressembler, d'avoir ses vêtements, etc. Et puis, il y avait cette relation avec son papa qui était quand même assez privilégiée, assez rare. C'est vrai que le rôle du papa, c'était pas ça, hein, dans l'inconscient collectif. Et puis, effectivement, cette inversion des rôles, la femme qui travaille, qui est puissante, qui est riche, etc. Le papa qui reste à la maison s'occuper des enfants, cette famille recomposée, et puis le personnage de Mona, très coquin, mais ça restait très acceptable. Oui, et pour le personnage de Samantha, d'ailleurs, même dans le rapport qu'elle a avec le fils d'Angela, qui lui est très introverti, très timide, elle prend tout de suite l'ascendant sur lui, parce qu'elle, elle vient de Brooklyn, elle a l'habitude de jouer au baseball dans la rue, elle parle cash, et lui, on a vraiment l'impression qu'il découvre le monde extérieur via Samantha aussi. Donc il y a aussi quelque chose de l'ordre du récit d'initiation pour ce petit Jonathan Bauer, mais et une fois de plus, les rôles sont inversés par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir à l'époque. Mais je me suis demandé si Jonathan, c'est pas le premier nerd de la télévision américaine, parce que ce personnage de petit garçon qui aime les sciences, qui a pas envie de sortir de chez lui, qui a pas envie de se confronter à la rue, bah en réalité, il était pas si courant à l'époque dans les sitcoms. Le petit garçon, habituellement, c'était le petit garçon qui n'avait peur de rien, etc. Et là, ce rôle-là a été incarné par Samantha, qui était la fille, qui est très sportive, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui a une vraie répartie, comme son père. Et Jonathan, bah, lui aussi a une répartie, mais il a quelque chose de plus doux. Et même dans les enfants, en réalité, il y a une inversion des genres très intéressante. Et d'ailleurs, il y a même une hiérarchisation des classes sociales qui se met en place très rapidement à l'échelle de la sitcom. C'est que Samantha, encore plus que son père, qui fait énormément d'efforts pour être accepté parce qu'il a besoin de travailler, mais elle assume beaucoup plus le fait on n'est pas chez nous. Je me souviens même de certains épisodes où elle décide de repartir à Brooklyn toute seule. Elle fugue parce qu'elle dit mais qu'est-ce qu'on fait chez ces gens-là? Ils sont riches. Ça nous ressemble pas. Il y a vraiment une idée de déclassement qui est assumée très rapidement dans une sitcom qui est pourtant humoristique et familiale. Oui, et puis il y a l'identité italo-américaine, alors qu'on sent pas très bien dans la version française, qu'on sent beaucoup plus dans la version originale, mais une identité italo-américaine revendiquée de la part de Samantha. On n'est pas comme eux, on n'est pas chez les Blancs du Connecticut. Nous, on est les Micheli. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et puis en plus... mais c'est parce que les valeurs sont incarnées dans cette série par Tony Micheli et Samantha. C'est eux qui mangent bien, c'est eux qui prennent soin d'eux, c'est eux qui se tiennent bien, qui leur apprennent, qui leur font du savoir-vivre. Donc c'est les classes populaires qui apprennent aux riches à bien se tenir et à bien vivre. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Nora Boisini. Sur l'immigration italienne, c'est très spécifique aux États-Unis en fait, parce que l'immigration italienne n'était pas la même qu'en Europe, vu que c'est un pays européen l'Italie, je le rappelle au cas où les choses évidentes. Mais en fait, il faut savoir que l'immigration italienne, les Italiens aux États-Unis au 19e siècle n'étaient pas considérés ni en 20e comme des blancs. Et c'est hyper important de le préciser. Il y avait un racisme extrêmement brutal de la part des médias, hein, relayés par le New York Times à l'époque. Ils faisaient des articles absolument crasses de racisme envers les Italiens. Il y avait des persécutions, des violences, des lynchages italiens. Bah, d'ailleurs, on les appelait, entre guillemets, et vraiment, que les auditeurs m'excusent, mais c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, c'est les nègres blancs. Les nègres blancs. Effectivement, c'est le mot qui était employé. Donc, il y a aussi une espèce de volonté à travers la série de réhabilitation de l'homme italien. Alors là, c'est les années 80-90, donc ce racisme-là est en prison. Ils sont, entre guillemets, devenus blancs, les Italiens, en fait. Mais, effectivement, comme le dirait Edouane, il y a cette toute classe qui est présente à l'écran, mais il y a une tentative de réhabilitation de ce stéréotype de l'homme italien qui serait macho. Alors que là, il est hyper tendre, en fait. Tony Micheli, il dit une tendresse, et c'est ce rapport avec ce lien avec sa fille qui montre aussi cette tendresse qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des personnes issues de l'immigration. Il a une tendresse, mais il a des gros biscottos, quand même. Oui, il est beau gosse. Non, mais ça, pour le coup, c'est hyper important. C'est une virilité très pure, vite, mais qui est tendre. Mais une virilité, quand même. On n'a pas cherché à déconstruire cette virilité à cette époque-là. Oui, c'est vrai qu'on le voit souvent torse nu, Anne-Sophie Dobetsky. Il y a cet aspect comme ça de Tony Micheli, homme-objet, à beaucoup de moments. Oui, c'est un bel homme. Ça a d'ailleurs certainement contribué au succès de la série. Tony Danza était déjà connu des téléspectateurs de ABC. Et puis c'est vrai que ça rendait certainement acceptable aussi, peut-être à l'époque, ce rôle de père au foyer, de housekeeper, comme ils disent en anglais, parce que ça n'enlevait rien à sa virilité. Mais en revanche, il assumait totalement de faire beaucoup mieux la cuisine que Angela Bauer, de s'occuper des enfants. Il aimait ça. Et à côté de ça, quand il fallait montrer les muscles, il était là aussi. Alors les séries de cette époque, c'était bien évidemment des personnages et des histoires, mais c'était aussi et surtout des génériques. On écoute Steve Wariner qui nous interprète Brand New Life, le générique de Madame est servie. Attention à terreur! Ouvrez bien les yeux, ne ratez pas l'autobus, je reviens dans 6 minutes! Au revoir, Madame Bohème! There's a time for love and a time for living. Take a chance and face the wind. Open road and a road that's hidden, a brand new life around the bend. There were times I lost a dream. a path you take and a path not taken. The choice is up to you, my friend. Nights are long, but you might awaken to a brand new life. C'était le générique de Madame est servie dans Blockbuster sur France Inter. Tony, je peux vous voir une seconde ? Madame a sonné. Oui, Tony. Depuis votre arrivée, tout ici est tout à fait impeccable et immaculé. La saleté est ma pire ennemie. Eh bien, je suis heureuse de l'entendre parce que cet ennemi a débarqué dans ma chambre. Ah oui ? Oh, mais je ne peux pas y aller, excusez-moi. Allez-y, entrez, jetez un coup d'œil. Ah ! Bon, hein? C'est mon devoir, hein. C'est joli, c'est même très joli. Ah, j'en ai la preuve, vous n'avez jamais mis les pieds ici. Ah, c'est normal, voyons, ça c'est votre chambre. Tony, vous jouez le rôle d'une bonne et cela fait partie de la maison. Alors bien sûr, la chambre est à moi, mais la poussière est à vous. Je suis désolée, si vous voulez que je vienne nettoyer ici, je viendrai. Je vous le demande, je vous le demande. Et Tony, c'est la même chose pour la salle de bain. Oh non, pas la salle de bain. Je veux dire, vous avez peut-être des affaires qui sont beaucoup trop personnelles pour être montrées. Je ne sais pas, moi, vos fossiles, par exemple. Ah, j'ai la solution. Si vous trouvez quelque chose de trop personnel, vous vous en occupez en fermant les yeux. Allez, venez. Puisqu'il le faut. La salle de bain. Anne-Sophie Dobetsky, j'aimerais qu'on parle du titre américain de Madame est servie, Who's the Boss, qui est quand même beaucoup plus équivoque que notre titre français. Qui est le patron ? Oui, puisque effectivement, dans les faits, c'est Angela Bauer qui est la patronne, c'est elle qui engage Tony Micheli, mais lui va un petit peu réorganiser la maison finalement. Il a plus le sens pratique des choses. D'ailleurs, juste après l'extrait qu'on vient d'entendre, il réorganise un peu la chambre d'Angela parce que ça paraît quand même étonnant, mais elle a les soutiens-gorge qui sont pas au même endroit que les culottes. Donc pas très pratique le matin. Il lui explique qu'elle perd du temps. Il a aussi des discussions très rapidement avec Jonathan. Il prend aussi un petit peu les commandes de l'éducation des enfants. Il gère évidemment l'organisation pratique de la maison. Et puis oui, il met un peu de sentiments, parce qu'Angela, elle était un petit peu, elle apparaît au départ un petit peu comme froide, ce qui est pas le cas évidemment. On va la découvrir au fur et à mesure des épisodes. Mais Tony est beaucoup plus, il s'exprime beaucoup plus, il est plus expressif, il est plus chaleureux, et tout ça évidemment va créer une ambiance familiale très sympa. Et puis évidemment avec la grand-mère un peu originale. Oui, parce que Mona aussi, à bien des égards, pourrait passer pour la patronne de la maison, vu qu'en fait elle débarque n'importe quand. C'est elle qui a plus ou moins ourdi pour que Tony soit embauché. C'est elle qui dit à Angela à certains moments, mais détends-toi, vas-y, vis ta vie. En même temps, c'est le genre de mère qui est très présente, hein. Donc pour Angela, c'est pas facile non plus. Mais ça peut être aussi Mona, la patronne dans Who's the Boss. Bah, si la liberté c'est le pouvoir, Mona a le pouvoir, parce que Mona c'est le personnage le plus libre peut-être de toute l'histoire des sitcoms. Elle s'affranchit même des codes du sitcom, elle n'est pas là au milieu du salon, elle vient, elle part, elle fait des entrées sorties. C'est assez rare en réalité comme personnage dans les sitcoms, parce que les sitcoms on a plutôt l'habitude d'avoir des personnages très récurrents dans l'unité de lieu. Elle a fait un peu ce qu'elle veut, et en l'occurrence moi, je trouve que c'est un personnage très touchant. Il y a deux trois ans je me suis replongé dans l'histoire de Mona, parce que son l'actrice est décédée il y a un peu plus de deux ans d'Alzheimer. Elle est décédée récemment, et ce personnage là en réalité il n'existait pas avant et il n'existe pas après dans les séries. C'est assez rare de voir donc une femme plus de 50, plus de 60 ans, je sais pas exactement, c'est pas exactement quel âge elle a, très belle, très coquette, et qui revendique une sexualité très libre, très franche, et avec des hommes beaucoup plus jeunes qu'elle, et ça la gêne absolument pas. Hein. Et surtout, il y a vraiment aucun non-dit dans ce rapport à la sexualité. C'est hyper rare pour la télévision américaine, hyper rare pour une chaîne comme ABC, hyper rare comme une chaîne comme M6, de parler de sexualité aussi librement, surtout quand on est une femme de son âge. Nora Boisoni, Est-ce que le personnage de Sam dans Sex in the City, qui a longtemps été considéré comme l'incarnation même du féminisme moderne et tout ça, ne doit pas énormément de choses au personnage de Mona, tout simplement, qui était pourtant sur une chaîne beaucoup plus généraliste? Bah oui, c'est vrai, j'avais pas fait le rapprochement, mais ce que vous dites, maintenant je vois plus que ça. C'est vrai, comme dirait Edouane, c'est en fait elle a aucun tabou. Et elle n'est pas montrée comme on peut montrer souvent les femmes de cet âge-là. Alors, il y en a quand même très peu, rappelons, hein, les chiffres aujourd'hui des rôles pour les femmes de plus de 60 ans, c'est peanuts, hein, il n'y a vraiment rien, c'est peau de chagrin, quoi. Et à l'époque, c'était pas mieux. Mais bon, elle, en tout cas, elle n'est pas vue comme un personnage... On rit pas d'elle, en fait. C'est pas la femme qui se croit encore belle et désirable et tout. Elle est belle, désirable, libre, comme dirait Edouane, sexy. Effectivement, elle se tape des étudiants, quand même. Enfin, on est comme sur une moyenne d'âge, bon, de 20 ans. Et des mecs de tous âges. Et elle a pas besoin d'un homme, en fait. C'est pas un besoin. Mais ça, dans la série qui est intéressant, et avec Samantha aussi, c'est que c'est les hommes qui ont envie, qui désirent. Elles ont pas besoin d'un homme pour subvenir à leurs besoins ou leurs envies, donc leurs besoins financiers ou leurs envies d'intimité, amoureux, sexuelle, etc. Donc ouais, Samantha, qui n'a pas de tabou, s'habille comme elle veut, est libre, baise, clairement, parce que c'est le mot, avec qui elle a envie de baiser et se fout complètement du regard des autres. Et après, Mona, elle a ce truc, comme j'aime beaucoup le mot coquin que vous disiez tout à l'heure, c'est... Anne-Sophie. Ouais, qu'Anne-Sophie tout à l'heure, c'est que elle a ce truc coquin parce que c'est un peu la matchmaker, quoi. Donc c'est elle qui amène Tony dans la maison. Elle force quand même un peu le monde de sa fille. Mais elle est un peu, elle ourdit, c'est un peu l'espèce d'éminence de la maison. C'est pour ça que j'aime bien cette idée. Ah ben on a un peu l'impression qu'elle a déjà vu la fin de la série. Elle sait, voilà exactement. Donc, c'était peut-être elle, effectivement, la patronne au final. Oui, c'est ça qui, quand on voit la totalité de la série, on se dit, oui, Mona savait beaucoup plus de choses. Après, on n'a pas besoin de voir la fin de la série pour comprendre qu'il y a une attirance évidente entre Tony Micheli et Angela Bauer dès le premier épisode. Mais moi, comprend. Je n'étais pas avec eux, j'étais attiré par l'un et l'autre. Hein. Très bien. Mais il y a eu, je lisais tout à l'heure, parce que je me suis dit, tiens, je vais voir s'il n'y a pas des trucs que j'ai jamais vus. Effectivement, j'avais jamais vu que, à la base, dans le scénario, Mona devait être la grande sœur d'Angela. Et je ne savais pas du tout, donc la dynamique aurait été complètement différente. Et sur le will they, won't they, comme on dit, donc c'est la tension qu'il y a, comme avec Fox Mulder et Dana Scully, ce qui vont finir par se pécho, en fait. Et ben, il y avait Tony Danza dit que lui, il était pas pour qu'il se marie à la fin, en fait. Parce qu'il trouvait que ça gâchait un peu tout ce qui faisait que la série est intéressante. Pourquoi un mariage? Pourquoi finir par un truc aussi traditionnel qu'un mariage dans une famille aussi peu traditionnelle? Mais c'est vrai que d'ailleurs que cette dimension de respect mutuel et à la limite c'est presque laissé à la discrétion du spectateur de dire ah mais en fait ils sont amoureux l'un de l'autre. Alors évidemment ils se le disent plus clairement à certains moments, mais que ça soit toujours dans des rapports très très distanciés comme ça, ça m'a rappelé le même genre de relation dans Battlestar Galactica entre la présidente et Adama, où en fait voilà les deux sont s'aiment, on sait qu'ils sont ensemble, mais c'est Madame la présidente, Monsieur le et je trouve qu'il y a cette distance là qui joue beaucoup. Donc tu viens de... Enfin, vous venez, Fred, de me spoiler Battlestar que je viens de commencer, en fait. Alors, j'ai des millions d'auditeurs, parce que Blockbuster, c'est des millions d'auditeurs qui m'ont dit « Venge-nous oh, !» Et ben là, je viens de finir la première saison. Venge-nous il y a deux pour jours. Xena. Venge-nous. Non, j'ai rien dit. Oh là, c'est terrible ce que je viens de faire. Alors, mais quand même, vous savez, c'est une série qu'elle a apparue en même temps que le Cosby Show, Red One Tella. Et qu'est-ce qui diffère de Madame est servie? Mais il y a des noirs dans le Cosby Show. Voilà, c'est ça. Bonne réponse de Edwin Tella. Non, mais plus sérieusement. En termes de modèle, parce que c'est deux séries qui ont été lancées aux États-Unis à peu près en même temps. Mais alors, moi, je trouve qu'il y a une autre série miroir, alors qui arrive un peu plus tard, c'est Une Nounou d'Enfer. Alors, pour le coup, c'est vraiment deux séries miroirs, parce que, pour répondre à la question originelle, qui est le boss? Pour moi, le boss évident, c'est Tony Micheli. Mais dans toute l'histoire des séries, dans toute l'histoire des sitcoms, en réalité, le boss, c'est celui qui occupe le salon. C'est celui qui est là, à la maison. Angela Bauer, elle peut pas être là. Elle a un boulot très prenant. Donc, le boss de la sitcom, c'est Tony Micheli. Comme dans Une sorcière bien aimée, bah, le boss, c'était la femme. Comme dans Une nounou d'enfer, bah, le boss, la boss, c'est Fran. Et comme dans Alf, le boss, c'est Alf. C'est Alf. Oui. Alors, il n'y a pas eu d'histoire d'amour entre Alf et le propriétaire de la maison, mais moi, je sentais qu'il y avait une tension entre Alf et le chat. une tension énorme. Il y a des fanfictions à écrire, là. Non, mais je suis très furie, moi. Et, parler d'une nounou d'enfer, c'est à propos, parce que Fran, notamment, a joué dans Madame est servie, elle a même failli avoir un spin-off qui n'a pas vu le jour, mais le, parce qu'il y avait un personnage de deux locataires. Je crois même qu'il y a un pilote qui a été tourné. Oui, cette qui série. Est, voilà, qui, où elle devait jouer. Oui, pour le coup, c'était un personnage plus ou moins récurrent, en tout cas, donc du coup, il y a eu un spin-off. Mais surtout, c'est la même histoire. C'est une gouvernante dans une famille bourgeoise, donc elle, pour le coup, vient des quartiers juifs de New York, là où Tony Micheli vient de Brooklyn. Mais c'est pareil, c'est la même les mêmes valeurs qui sont rattachées à Fran Fine et à Tony Micheli, et puis à la fin ça finit par une histoire d'amour entre Maxwell Sheffield, le personnage richissime, auteur de Broadway, etc., et Fran Fine et Tony Micheli, Angela Bauer. C'est la même histoire, sauf que pour le coup, dans Une nuit d'enfer qui vient pourtant plus tard, bah, vu que c'est une série beaucoup plus traditionnelle, où on parle moins de sexe, où c'est moins subversif, etc., bah, ça finit par une belle histoire d'amour. Alors Nora est pas tout à fait d'accord avec moi, mais moi je trouve que Madame est servie est un poil plus subversif que Une nuit d'enfer. Et dans Une nuit d'enfer, et ben en l'occurrence, ça pouvait pas finir comme ça. Alors voici venu le temps pour nous de faire une petite pause en écoutant la très, très populaire chanteuse Angèle, qui nous interprète Libre. Ah. D'Angèle. Blockbuster. Je suis pas mauvaise. Frédéric Sigrist. Je suis juste dessinée comme ça. Sur France Inter. Et voilà, c'est fini. Voici les animaux, gâteau. Le mien, c'est un cheval. Et moi, j'ai quoi? Toi, tu as un requin. Bon, Tony, il va falloir que vous m'emmeniez très vite à la gare. Ah, Angela, je regrette, j'ai mon groupe d'aérobic aujourd'hui. Mais vous prenez toujours votre voiture le jeudi. Oui, mais c'est impossible, j'ai donné la Jaguar à repeindre ce matin. Est-ce que l'autre voiture est utilisable? Non. Je n'ai remonté aucun pneu et je crois que ça va être du boulot. Je ne vois pas du tout pourquoi vous ne laissez pas faire ça chez le garagiste. Angela, on n'en a pas pour son argent quand on fait appel à Giorgio. Il vous matraque. $20 pour vérifier le niveau d'huile. Je sais, mais il sert du vin blanc pendant qu'il vous fait attendre. Bonjour tout le monde. Bonjour, grand-mère. Oh, tiens. Bonjour, maman. Est-ce que tu peux me conduire à la gare? Oh, mais avec plaisir, ma chérie. Tu pédales ou tu t'assieds sur le porte-bagages? Catherine Helmond. Voilà, cette grande actrice qui a joué, qui a démarré notamment chez Alfred Hitchcock. On l'a retrouvée aussi dans Brazil. Le personnage qui se fait lifter comme ça de manière improbable, c'est elle. Et en fait, on se rend compte que, à part Tony Danza, pour lequel le rôle de Tony Michelet a été écrit, qui lui-même était ancien boxeur, il y a un casting de folie dans Madame est servie, Nora Boisoni. Bah, moi, j'étais amoureuse d'Alyssa Milano. Je suis tombée amoureuse d'Alyssa Milano. Vraiment, je voulais être avec elle et être elle, comme disait Anne tout à l'heure. Bon, elle avait une super carrière derrière. Et Judith Light, j'ai eu la chance de l'interviewer pendant une heure et de lui parler de sa carrière. Et donc de préparer une interview pour sa carrière qui est incroyable. Elle vient de Broadway. Mais oui. Et puis alors, elle a eu des Emmy Awards. Elle a fait un nombre de trucs incroyables. C'est une activiste pour les droits LGBTQ, contre le sida. Enfin, je veux dire, cette femme est complètement hérissante. Elle joue dans la super série Transparent de Jill Soloway plus récemment. Oui, elle joue l'ex-épouse d'une femme transgenre. Oui, c'est ça. Et donc, c'est complètement fou de se dire que cette femme a commencé dans une sitcom. Et en plus, elle a joué dans Ugly Betty et elle m'a dit que quand elle a été approchée pour Ugly Betty, quand son agent ou son agente lui en a parlé, elle était hyper snob. Elle m'a dit j'étais snob. Je me suis dit non mais les sitcoms ça va, moi je veux faire que des rôles profonds pour gagner des trucs et tout. Et en fait, elle s'est rendue compte, elle m'a dit qu'elle s'était détestée d'être comme ça. Et qu'elle s'est dit, ok, en fait, ma carrière a été lancée par une sitcom qui a été un des plus grands succès de la télévision américaine et en France aussi. Hein. Et multi-récompensée. Oui, et internationale, parce qu'il y a un nombre de diffusions à l'étranger ou de remakes. Il y a des remakes argentins, turcs, colombiens, enfin c'est fou. Et donc elle m'a dit, mais en fait, j'ai été lancée comme ça, par cette sitcom, sans vraiment trop y croire, quoi. Alors Mona, dont on parlait, est très vite apparue comme un des personnages favoris des spectateurs. Mais Mona, il y a des gens, ils aiment pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Mona, la mère d'Angela, ne fait que rabaisser sa fille à longueur de journée. Mais vraiment méchamment, hein. Tout le monde adorait ce personnage. Moi, je la trouvais juste horrible, quoi. Surtout qu'elle se moquait d'Angela pour des raisons tout à fait débiles. Oh, Angela, tu fais la cuisine. Oh, C'est quoi un croque-mitaine? Eh bien, essaie d'imaginer Angela quand elle est démaquillée. Ah pardon maman, d'être chef d'entreprise, d'avoir les poches pleines de fric, d'être une fucking hipster, d'avoir tout réussi dans la vie. Pardon, c'est vrai que j'aimerais être tellement comme toi, squatter tous les 4 matins chez ma fille parce que ma pension de retraite ne me permet pas de vivre décemment. J'aime pas, j'aime pas. Anne-Sophie Dobetsky, est-ce qu'effectivement il y a une relecture du personnage de Mona comme la présentant comme une picassiette? Ah ben c'est sûr qu'elle profitait quand même largement de la richesse, on va dire, de sa fille, mais à un moment elle travaille même pour elle et on croit qu'elle ne fait rien et en fait on se rend compte quand Angela finit par la virer que bah son rapport comme ça dans la séduction avec les clients et bah c'était quand même très efficace. Elle dédramatise beaucoup les situations, alors faut aussi pas oublier que les blagues américaines étaient traduites hein, donc l'humour parfois n'était peut-être pas aussi subtil. Je sais pas si les blagues sont aussi drôles aussi aujourd'hui qu'il y a X années, oui. Des quelques décennies. Elle se moquait même de la taille des seins de sa fille. Je pense qu'on avait rarement vu ça, mais la relation entre la mère et la fille était quand même très tendre. Et je pense qu'entre les actrices, on voyait aussi que le courant passait extrêmement bien. Donc au final, je crois que ce personnage a quand même été très apprécié. Redontella ? Ben, j'ai revu récemment la série, moi. Et en l'occurrence, Mona, c'est le personnage qui a le moins vieilli. Parce que Tony, on pourrait se dire, bon, bah, ce côté un peu tendre, en réalité, c'est très années 80. On a envie d'avoir des choses un peu plus... Oui, il y a l'idée un peu plus cynique, oui, l'idée du patriarche plus, parfait. Un peu plus sans rire, oui, là, c'est vraiment le patriarche caricatural. Et Mona, vu qu'elle est totalement libre et qu'elle se permet toutes les vannes possibles, eh ben, en réalité, c'est le personnage qui vieillit mieux, vraiment. Et toutes ces vannes marchent encore. Là, on a entendu quelques extraits. Ben, elle est méchante, mais c'est pas grave, ça nous fait rire, quoi. Oui. Et alors, il y a le personnage, évidemment, d'Alyssa Milano, qu'on ne peut pas passer sous silence, parce qu'en fait, 7 fois sur 10, quand tu dis, bah tiens, je vais parler de Madame est servie, les gens disent, ah, Alyssa Milano. Et garçon comme fille, hein, il y a un truc très générationnel. Oh, mais moi, j'étais amoureux d'elle. Et personnage qu'on a vu grandir à l'écran. Et ensuite, on l'a vu dans Charm, dans Melrose Place. C'est aussi une des actrices qui a vraiment été au départ du mouvement MeToo. Comment on peut parler de l'évolution de son personnage dans la série et de son son statut d'actrice quand elle a terminé Madame est servie. Comment elle a fait pour se recréer une image de comédienne avec un grand C? Bah, moi, je pense que c'est... Je me dis, avoir joué dans une série pareille, aussi progressiste, avec des rôles féminins ultra forts et flamboyants comme Mona, et être une femme comme Angela qui n'a pas besoin d'un homme, qui ouvre sa propre agence de pub, qui en plus on parle beaucoup des hommes dans cette, c'est-à-dire que Angela se plaint souvent qu'elle trouve pas de mecs parce que les mecs ont peur de sa réussite et sont du coup hyper macho. Et je me dis, en tant qu'actrice, évoluer dans ce genre de série, avoir son premier vrai grand rôle là-dedans, mais quel formidable début de carrière et quelle formidable ouverture et esprit critique et possibilité de choisir des projets après en ayant eu des exemples comme ça. D'ailleurs, c'est quand même une série où il y a 3 générations de femmes qui sont toutes, mais tellement puissantes et géniales. Et Redouane en parlait au début de l'émission. Le côté subversion aussi des genres avec Jonathan, qui est un garçon assez timide, calme, effectivement plutôt dans la maison. C'est marrant parce que les deux hommes, garçons de la série, sont un peu assignés à la maison dans la sphère privée, les femmes vont à l'extérieur, et je trouve ça génial. Et donc le fait d'avoir vu Alessa Milano grandir à l'écran, les gens qui l'ont découverte ou redécouverte dans Charmed, je trouve ça assez beau que sa carrière, alors après Melrose Place, bon, niveau rivalité féminine, c'est quand même pas le meilleur truc, voilà, c'est pas très progressiste, mais bon, en Charmed, c'est pareil. Hein, au début, il y a eu une grande rivalité dans Charmed qui a abouti au départ d'une des actrices. C'est ça. Mais en tout cas, dans la série, ça reste des femmes puissantes, un trio de femmes puissantes, des sorcières, donc figure subversive s'il en est. Mais Mona, elle a ce truc un peu de sorcière, quoi. Les femmes vieilles et sexuelles, il y a un truc un peu de ouh là là, ça fait peur aux hommes, quoi. Oui, et puis dans les thématiques, dès le premier épisode, dès le pilote, alors que pour le coup, dans les séries, les pilotes, c'est vraiment les épisodes où on prend le moins de risques possible. Bah là, dès le pilote, on parle d'une situation où un homme tente d'abuser de sa situation de pouvoir au travail face à Angela Bauer. C'est quand même une série éminemment féministe. À l'époque, dans les années 80, c'est dingue d'aborder ce genre de sujet. Vraiment, on se rend pas compte, parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît naturel, on entend parler de ces sujets à longueur de temps. Moi, gamin devant ma télé, c'est la première fois que j'avais accès à ce genre de discours dans une série. Mais pas tant que ça, parce que c'est, je veux dire, oui, évidemment, que c'était progressiste, mais d'ailleurs, aujourd'hui, on pourrait imaginer que ce discours-là, c'est dilué dans énormément de séries, mais en fait, les séries ne sont pas si progressistes que ça, par rapport à Madame est servie à l'époque. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on le fait vraiment de manière un petit peu appuyée, genre, regardez, on est en train d'avoir un discours militant. Madame est servie l'a fait de manière totalement organique, c'est-à-dire, c'était comme ça, et dès le deuxième épisode, C'était fini, on avait accepté le postulat parce que ce qui vous pose énormément de problèmes aujourd'hui, ce qui ferait des hashtags not all men, etc. Là, non, ok, on a compris, il travaille chez elle et puis c'est elle la patronne et puis voilà et puis il sait faire des trucs, il lui apporte des trucs, elle lui en apporte d'autres. C'est il y a cette harmonie là aussi dans cette série. Il y a une ambivalence, moi, pendant la série, et c'est vrai qu'on parle de subversion des rôles traditionnels de genre, donc la femme qui va travailler, l'homme qui est à la maison. Faut oublier quand même qu'il est payé. Tony Micheli. Et c'est très important parce que les femmes qui font le ménage et qui gardent les enfants à la maison ne sont pas payées pour le faire en général. Donc c'est progressiste, mais je pense que le fait que ce soit pas un couple où les rôles sont inversés, mais que ce soit une situation rémunérée et un vrai travail qu'il fait rémunéré, contrairement à ce que toutes les femmes font tous les jours, il y a ce truc-là qui choque moins. Après, c'est un pur produit de son époque. C'est les années 80, c'est la deuxième vague féministe, c'est une vague féministe qui, contrairement à la première qui parlait du droit de vote et des droits fondamentaux humains des femmes, se concentre sur le travail des femmes. Les femmes arrivent en masse sur le marché du travail à ce moment-là. Donc il y a l'air du temps qui est avec cette série, donc ça choque pas tant que ça parce que les femmes débarquent en force dans le milieu du travail, notamment avec des postes à responsabilité comme Angela. Et puis il y a l'idée de harcèlement au travail dont Redouane parlait. Il y a des lois sur le harcèlement au travail, sexiste, sur la discrimination des femmes, sur l'accès à l'égalité, les droits reproductifs. Il y a des lois sur le divorce qui arrivent pour changer le divorce qui était en défaveur. Donc vraiment, c'est une série où, avec tout ce qui se passait à cette époque-là, ça m'étonne pas, finalement, que les gens n'étaient pas en se disant « Oh là, les gros sabots, c'est bon, on l'a compris, quoi ». C'était, comme vous disiez, organique. Ça s'imbriquait facilement dans l'air du temps, je pense. De toute façon, Nora, moi, je m'étais arrêté à la phase « Si je veux participer à la charge mentale, il faut que je sois payé ». Donc je vais me l'approprier à moi-même. C'est ce que je vais dire à ma compagne ce soir. Paye-moi. Voilà, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Mais avant cela, on écoute Your Mom de Wet Leg, une proposition avisée de notre programmatrice musicale, Valentine Chedebois. When I think about what you've become. Yo Mom de Wet Leg dans Blockbuster sur France Inter. Ah, Tony, je ne sais pas trop comment je pourrais qualifier l'acte que nous avons. Et ben, vous savez. Non, je ne sais pas. Quoi? Nos relations sexuelles, voilà, c'est clair. Le sexe, nous. Ah non, non, pas du tout. Ah non, je ne suis pas du tout ce genre de type. D'accord, d'accord, on a fait un peu les fous dans la cuisine. Et vous pouvez expliquer? Bien sûr, on a fait un gâteau, on s'est jeté de la farine, on s'est un peu embrassé. Et ensuite, je vous ai porté, je vous ai mis au lit, tout bêtement. Ah, vous avez dit que tout ce que vous aviez fait, c'était m'embrasser. C'est tout? Vous sentez mieux? Oui. Bon, mais pour que tout soit clair, c'était pas moi qui vous ai embrassé. Non, c'est l'inverse. Anne-Sophie Dobetsky, ils ont annoncé il y a très peu de temps une suite à Madame est servie, où Samantha sera toute seule avec son enfant. Et maman célibataire. Maman célibataire. Et Tony remplacera un petit peu Mona, qui malheureusement nous a quittés. Souvent on dit que le cinéma manque d'originalité, ressort les mêmes franchises, etc. Mais quand on regarde ce qui se passe à la télévision depuis certaines années, le retour de La Fête à la Maison, le retour de Punky Brewster, le retour de Madame est servie, finalement, la télé est touchée par le même syndrome. Alors oui, bien sûr, c'est même parfois très inquiétant de voir tous les reboots et tout ça. Moi, je crois que je préfère quand même peut-être une suite qu'un reboot. Malheureusement, c'est vrai que parfois, il vaudrait mieux laisser dans notre imaginaire, les personnages vieillir dans notre imaginaire et pas forcément le voir, parce que parfois, c'est pas drôle, parfois c'est raté. Et que voir des acteurs qu'on a comme ça un peu fantasmés et puis prendre un coup de vieux, parce que Tony Danza a plus de 70 ans aujourd'hui, c'est pas forcément évident. Donc est-ce que la suite aura le même impact? Probablement pas. Est-ce que ça sera aussi drôle à voir? Ça fait quand même 2 ans qu'on en parle, puisque c'était à l'été 2020 qu'on a entendu parler d'un retour de Madame est servie, d'une suite. Donc ça a mis du temps à se faire. Il y a eu évidemment la pandémie, on pense qu'ils ont eu aussi du mal à trouver un diffuseur, du mal à trouver une équipe pour écrire et produire, ça y est, maintenant tout est en place. On sait que ça va arriver sur une plateforme, mais qu'on n'a pas en France, donc on ne sait pas encore ce qui va se passer, c'est Amazon Freevee. Mais après, ce qui rend un petit peu émouvant quand même la chose, un petit peu comme pour La Fête à la Maison, c'est qu'on sait que le casting est resté très proche, on sait qu'ils s'entendaient extrêmement bien pendant les 8 saisons de la série. On sait qu'ils sont restés en contact, qu'ils se sont revus. D'ailleurs, il y a eu une réunion en photo. Et même Danny Pintero, qui jouait Jonathan, qui pourtant avait arrêté sa carrière, qui a fait son coming out, oui, qui a déclaré qu'il était séropositif, oui, il a accepté de revenir jouer son rôle pour ce... Alors probablement en guest, hein, puisque les deux personnages principaux seront véritablement joués par Alyssa Milano et Tony Danza. C'est eux dont on racontera l'histoire aujourd'hui. Mais Judith Light et Danny Pintaro devraient effectivement faire quelques apparitions. Et ça prouve bien que ce casting était très, très proche. Ils étaient proches les uns des autres. Et évidemment, on imagine que si Catherine Elmonde était toujours là, elle aurait aussi certainement fait une apparition. Redouane Tella, qu'est-ce que vous pensez de ce retour comme ça, de ces retours un peu tels le Phénix sur des séries? Est-ce que vous êtes cliente de ce genre de nostalgie? Les retours, non, mais celui-ci, je dois vous avouer que oui, j'ai quand même très envie de revoir Tony Danza dans un grand rôle. Et puis, je pense qu'il y a 1000 histoires à raconter avec ce duo. On a très peu d'histoires de grand-père en réalité. On a très peu. On raconte pas ces histoires-là dans les séries. Et j'ai très envie de voir la relation grand-père petit-fils, si jamais elle existe, ou grand-père petite-fille. Et puis une mère célibataire incarnée par une Alyssa Milano avec les combats qu'elle porte aujourd'hui. J'ai très envie de voir à quoi ça va ressembler. Après, dans l'absolu, les reboots, que ce soit des reboots de séries, mais même des reboots de programmes télé, ça c'est la grande mode. Hein. On ne crée plus rien. Il n'y a plus de services créatifs à la télévision. On ne fait que reproduire des vieilles recettes. Ça a plutôt tendance à me saouler en général. Mais après, il y a toujours des bonnes surprises. Il y a toujours des bonnes surprises. Magnum, c'était pas si mal. Ah oui, mais quand même, il y avait pas Tom Selleck, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, je suis pas d'accord. Moi, j'étais pas sensible au charme de Tom Selleck. Donc ah pas non, non, non, non, non, non, quand même, la moustache de McDonald's. La moustache. Oui. Non, j'ai un autre exemple, mais regardez Bel Air, l'adaptation du Prince de Bel Air. Oui, mais là, c'est suffisamment. Oui. Moi, franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Nora Boisy. Moi, je ne suis pas du tout atteinte de nostalgie aiguë. Et j'ai plutôt tendance à croire que ça peut que décevoir les fans de la première heure, en fait. Parce que moi aussi, j'ai envie de donner sa chance à cette suite. Parce que j'ai envie de voir ces deux personnages, ces deux acteurs et actrices. En vrai, on va pas se mentir, on sait que ça va pas être, ça peut pas, enfin, je sais pas. En fait, il y a aussi l'équipe créative derrière, quoi. Je crois qu'on donne rarement aux bonnes personnes aussi. Comme pour le reboot de Charme, qui est franchement pas terrible, quoi. Alors que la volonté d'apporter des personnages non blancs, d'avoir des histoires différentes, etc., qui était quand même pas terrible, parce que je pense qu'au fond, qu'est-ce que veulent vraiment montrer aujourd'hui les grosses plateformes et tout, c'est pas toujours la prise de risque. Mine de rien, ces séries, ça crée aussi un moment de cohésion dans sa propre famille, parce que le fait de passer à heure fixe sur une chaîne généraliste, c'était le moment où on était tous réunis dans le salon pour regarder quelque chose ensemble. Et c'est vrai que à l'ère des plateformes et de toutes ces séries qu'on peut voir sur son téléphone portable, son iPad, son ordinateur et tout ça, est-ce qu'il y a autre chose qui arrive à fédérer les familles et les cellules familiales comme ces séries le faisaient à l'époque? Et est-ce que c'est pas aussi une partie de leur succès? Mais non, il n'y a pas d'équivalent à la télévision aujourd'hui. C'est terrible. D'ailleurs, quand on regarde les audiences des séries qui aujourd'hui passent après 20h, donc c'est plutôt des séries françaises. Les séries américaines ont totalement déserté le petit écran à ces heures-là. Alors que pour le coup, dans les années 90, la télévision française était peuplée de sitcoms américaines. Aujourd'hui, elles n'existent plus, elles n'apparaissent plus. Et quand on regarde les audiences, c'est des audiences vieillissantes en réalité, des audiences beaucoup plus vieilles qu'il y a 20-30 ans. Donc la famille se rassemble de moins en moins devant le petit écran. Et moi, ce que je fais personnellement, parce qu'aujourd'hui, en réalité, on a tous des séries pour soi, il y a très peu de séries familiales, et ben quand j'ai envie de partager des séries avec ma famille, mes petits-neveux, mes petites-nièces, et ben j'ai plutôt tendance à la nostalgie, j'ai plutôt tendance à leur mettre un épisode de Madame est servie ou un épisode de Brooklyn Brewster que de mettre un épisode d'une série récente, parce qu'il y a peu de séries familiales aujourd'hui. Anne-Sophie Debetsky. Oui, c'est vrai que ça manque, ces rendez-vous. Et à l'époque, les replays n'existaient pas. Donc, il fallait les regarder au moment où ça passait. On peut aussi souligner le fait que, dans le cas de Madame est servie, M6 avait fait ce choix plutôt malin de programmer en face des journaux télévisés, légèrement décalé. Donc, on pouvait éventuellement regarder les titres et puis ensuite switcher sur Madame est servie. Et c'était vraiment un programme, c'était ce qu'on appelle ça aujourd'hui feel good. Mais c'était vraiment ça. C'était drôle, c'était bienveillant. C'était agréable à regarder et on va pas dire que c'était mieux avant, mais ouais, c'était chouette quand même ces moments-là. Nora Boisini. Il y a aussi le fait que aujourd'hui les programmes commencent à 21h25 en fait, et on a fini de manger en général, et que les gens mangent même plus ensemble. On le voit en France, la France fait de la résistance, les États-Unis c'est fini, les gens mangent plus ensemble en famille. La France fait de la résistance, mais déjà, si on mange plus ensemble, on n'a plus de programme ensemble. Et ben voilà, il faut manger ensemble, comme ça après on regarde un truc ensemble. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci Nora Boisoni, Redouane Tella, Anne-Sophie Dobetsky. Je vous rappelle que cette émission est réalisée par Céline Hila. Elle a été préparée par Manon Rax et Benjamin Ducy avec l'aide de notre stagiaire réalisation Benjamin Woodcock. Et merci à toute cette équipe. Et aujourd'hui à la technique, Alexandre Chenet et Gilles Gaillard au mixage. J'en profite pour vous annoncer que le lundi 22 août, dans le cadre d'un partenariat entre France Inter et OCS, sera diffusé au cinéma Le Grand Rex à Paris, le premier épisode du préquel de Game of Thrones, House of Dragons. Vous pouvez gagner deux places en répondant à la question suivante. Comment s'appelle l'oncle de Jon Snow qu'il retrouve au-delà du mur dans la saison 7 et que l'on voit réapparaître dans la saison 6? Tony Micheli. Non, Edouane, non, pas Tony Micheli. Votre réponse au 01 56 40 30 20. N'oubliez pas de laisser votre nom et vos coordonnées. La première bonne réponse gagnera deux places pour cette avant-première. Vous pouvez bien évidemment aussi laisser des messages sur le répondeur au 01 56 40 30 20 ou parler directement avec moi sur le Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Venez, Angela, on s'en va d'ici. J'étouffe sur cette colline. Tony, oui. Encore une petite chose. Je sais, j'ai mis trop de blush et j'ai l'air d'un plouc. Non. Vous savez ce que j'éprouve pour vous, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Vous le savez d'ailleurs, ce que vous éprouvez pour moi. Oui, je sais, bien sûr. Qu'est-ce que vous éprouvez? Eh bien, je vous aime beaucoup. Ah, alors tant mieux, parce que je vous aime beaucoup. Lundi dans Blockbuster, on va parler d'un monstre du cinéma américain. Marlon Brando? Non! Robert De Niro? Non! Al Pacino. Non plus. On va parler d'un vrai monstre qui n'a pas une tête de porte-bonheur. Ah, là, vous voyez de quoi je parle. On va parler de Predator. France Inter.